lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Henri, on se retrouve pour Hind à Brezonek comme chaque semaine. Kentel Pemkan à Triwarnugen. Pemkan à Triwarnugen, 523. C'est ça. Et on commence par Gerjou Arvué Iri avec un mot. Oh là là, je te bouscule. Avec un mot particulier. Oui, alors c'est un mot qui est en même temps une racine et qui est très qu'on trouve dans beaucoup de mots, qui est treuse. Alors c'est un mot masculin qui désigne lui-même la durée d'une traversée, le diamètre de quelque chose, treuse, une treuse. Voilà. Alors c'est une racine celtique qu'on trouve également en gallois et en cornique et qui signifie à travers, de travers, tout ce qui est transversal. D'ailleurs, cette racine indo-européenne est analogue au latin trans, hein, qui a le même sens. Voilà. Alors bon, de là. Sont dérivés des verbes comme treugeant ou treusi. Nous, on dit treugi, hein. Traverser, hein. Traverser. Par exemple, treugienen, voilà. Traverser la route, hein. Voilà. Alors, de cette racine sont dérivés aussi des mots comme treugaden, hein. Treugaden, qui est un mot féminin qui veut dire une traversée. Trugidiges, le franchissement de quelque chose, hein. Voilà. Et alors treuse, c'est quelque chose qui est en travers d'autres choses, hein. C'est perpendiculaire en quelque sorte. Par exemple, un treujou, c'est le seuil de la porte, hein, qui est en travers, hein. Voilà. Treuselec, qui marche de travers, treuse d'hydreuse, en zigzag, hein, quelqu'un qui monderait treuse d'hydreuse, hein, qui marche en zigzag comme ça, sous l'effet de différentes choses, hein, voilà, quelqu'un qui a des vertiges en quelque sorte, hein, mondera treuse d'hydreuse, hein. Donc, oui, alors le seuil, j'ai dit un treuge, ou on dit des fois hermentreuse aussi, hein. Il y a ça dans une chanson, Marie Von Nick, que chante Marcel Guillou. Oui, oui, oui, un treuge. Hein. Il y avait une chronique de Pierre-Jacques Elias aussi autrefois. Christé Warme je rejoue dans les journaux. Voilà. Une plante qui n'est pas très répandue par ici, mais qu'on trouve dans les jardins. Treuser, le personnage. Voilà. Il y a. Dans une chanson, il y a, dans plusieurs chansons même, un inni de scrive d'Organowen, ou un zove d'Organowen, un de crazy ou aller iguan, ivri ou avoir un trejou à guidrey talentan. Ce qui veut dire? Ça veut dire que celui qui a fait cette chanson, elle a fait un soir après dîner, il avait le nez sur le seuil et les pieds près de l'autre. Ce qui explique que la maison ne devait pas être très grande. Voilà, on trouve ça de temps en temps, c'est une façon amusante de finir une chanson, quoi. Voilà. Un treuzemglev, un compromis. Voilà. Treuzkass, alors un très beau mot qu'on emploie beaucoup maintenant. Treuzkass, c'est transmettre. C'est à la fois le verbe, treuzkass, transmettre, et la transmission. On en parle beaucoup, hein. Treuzkazeries, treuzkazerzevenadion. Voilà. Treuzer, celui qui traverse. Et treuzkasser, le transmetteur. Treuzkam, qui va de travers. Treuzkompren, mal comprendre. Treuzkoms, dire n'importe quoi. Treuzlat, transférer. On dit aussi treuzlatin, hein. Treuzlongan, ben c'est ce que je suis en train de faire, avaler de travers. Treuzplantant, transplanter. Treuzguisque, déguisé. Et puis il y en aurait beaucoup d'autres, hein. Alors il y a une autre façon d'employer le mot qui est eudreuse, mais ça on verra ça la prochaine fois. on en reste là pour cette première partie. Gerio Arvué, on passe à Brézonec Tambe à Tambe. Alors, on part à faire un petit tour à Zantolec, et là, y a de l'animation, parce que Yuan est en train de préparer pour le cidre. Voilà, Yuan est en train de faire le cidre, hein, comme d'habitude, hein, donc on va le voir chaque année. Donc, Yuan, c'est Yuan Danteg, hein, qui habite à Kerizel, hein, et qui est marchand de cidre de son état, hein, qui est marchand artisanal, quoi. Et Chanik va à sa rencontre. Voilà. Salut, Yuan, pénonce mon compte. Matré, Chanik, matré. Kroger de Borchistre. Ya, Bouedir. Pemzeuk Tesso, ou un croc de Zéria, là où Gouelleret de Bernard, là où est-ce là, au Bourzeau. A Valo de Zantolek, in tout ya, de Zantolek, peu de Spouderien. Quand piou ve Zéret, là, Valo oh, quand famille, n'est que résies, peu dur, un mécanique Zéret, un d'un vu, en de Zéna, là où quand Pessa, à Valo, ve Grélarchiste. Quand à l'eau douce, à l'eau rouère, à Galo, trinque. Rédéca, dans Hempwis, et vide au Bergismat. Mais. Plermar, Pressour. Ah, bah ça va, Durazé. De Tevel, Chanik. Et Chanik, bien sûr, elle va aller voir, puisqu'elle va elle voir, est curieuse. On aura ça la prochaine fois. Voilà. On va reprendre donc le dialogue, phrase à phrase, pour que tout le monde puisse bien le comprendre. Salut, Iwan, penose-moi en compte. Demande oui, Chanik. Bonjour, Iwan, comment ça va? Matré, Chanik, matré. Matré, il est content. Kroger d'Oberschist. Voilà, alors, Kroger, hein, d'Oberschist, vous avez commencé à faire du cidre. Alors en breton, hein, c'est kregin, hein, krogingan, hein, c'est accroché dedans. Hein. Donc voilà, vous avez commencé à faire du cidre. Kroger d'Oberschist. Il y a un chanik, Bouedder. Oui, chanik depuis hier. Pemzeb Desso, en krog de Zerin en Navarro. Voilà, alors on retrouve la même forme, hein, Pemzeb Desso, hein, depuis 15 jours, Wem krog, nous avions commencé. Croque de Zéher Yaval a ramassé des pommes. Alors les pommes, hein, donc le mot aval, hein, qui est un très vieux mot, hein, qu'on trouve un vieux mot celtique qu'on trouve en anglais aussi, hein, apple ou en anglais, en allemand apfel, hein, apfel. Alors on trouve tout ça et c'est un mot donc en breton le pluriel c'est avalo, hein, Marie m'emmène avalo, hein, la chanson par exemple. Hein. Quand on a besoin d'un pied supplémentaire, mais nous on dit Alo, hein. On coupe un petit peu dans le coin ici, quoi. Mais Avalo est très bien compris aussi, hein. Gouillerie d'Orbernavalo, Azé. Ya. La Bourzeau. Hein. Voilà. Vous voyez le tas de pommes là, hein. Là, Bourzeau, il y a du travail.

Krogum de Dientan et Velkis à Custum, Gandela Bourdouar à Gavu et War Armes. Eruon Brément bas Kreiser Mis du, Betak Brément et Bekluer en Amser, Kluar War Benefine, mais Tosta de Ram Brément de Zorguan Kalet, a déjà avec Combs de Kals de Zorbla Auton, Erblas d'Auville Seitek. De Neise Vis du, War Votadek Bastadou une Annet. Mur de Mouis, Zoet Gand notre, Gand le Nitron Clinton, met, Dreher système votat de Xo Bastado Inan, de Eder Maud Benefin, Grand Donald Trump. N'e que bra goud, Hwas, Pessard de Dilerad, Nevo, et vie d'économie, es bro France, de ze, et bé de Handved Donald Trump. Et vie de là pour douar, Zurwar, et Voval. Zonge Donald Trump, et Kreski Lentaille, ou évite un trou, dit, ton de ze Broyoel, de ze Hermès. Hag da skouer vid ur gwin, ur fourmach, ur pate enaf, ze zo un draval, un peu dur, vo diez ur gwer zo produio, ou bastardo un il an eut. War dachen skeul amzer, bremañ, prestig vo gret ba Marrakech, ba bro Maroc, en em vo de meur an vet gob da war nugen, war lan e wabe ba Paris, ur hob un an war nugen, mais déjà, nous là, Donald Trump n'aurait que compte des grandes pièces vos divises, bah, et non, bah, Marrakech. N'aurait que compte des mammes de spécies ou des divises, Warland et bah, Paris. Zongé de Greskin d'Asquare implique leur glow, à gagner le vin et vide d'énergie. Bon, quoi, de vos pièces à mots de vos connes. Chom, vraiment voir, d'acheter le labour d'ouard. Zéro débit de Neveso, analogiste Brace. Avalo 12, avalo Rare, avalo Trink, Bubsort, et Mema, Vidoborgiste. Brace avait produit de Wardro Daugen Dragon de The Gist Veive de Brovrance. Gwegel, Wagiste, Eva Gervreton dedans. Jongemeuse, hein, en me bavro, tout du Nevegiste, hein. A Jongemeuse de The Gist, Gait Gamezat Cause, à Wamatri. Kouls badier e vel banoste liri e vije e vejiste. Ba kalz fermio e voa ur presour hag un eubamad varitienagis vije gret beplan. Met tant ma tant me zo deud e va jouel oa ur vro, ur guin, ur bir, limonat, ur Coca-Cola mi oa mi, peut sort trou. Hag gis zo e tant ma tant moa drou. Kouskoud e vegret roaz kalz gis de breis. Vel meus lâret war bouez war dro daugent dregant de ze gist evet ba Brovrans evet gret de breiz. Pez ara per an mil kan litat, pe do an mil varitien en ma peswant. Pez ne ke fal me mestra. Spen tri an mil kan litat evet produet gant diou embregeres, loik rezon zo ba domanie, tost de harvan, hag hop val de rans, zo ba pleudien, se lié associé avec Ades Rins. Hag hendel, zo pemzek sta la bour derret gant artisanet, Raymond, Brain Aval, o evidor ogist. Hag per ferma hanter kan, ragis hendel, ebreis. Hag hiz, gret ba fermio, ve gret de son galak sidre fermier. A tre tout, zir a wardro pem kan edu de zo breis, o labourat de videgist. Trou dis hendel vegret terror yo zo ya pelar in ma terror yo dis hendel zo vid d'oborgiste da square gist kerne isel et vel gist brofwen a zo en aven mat pa brogwen de veka vet gist gievik gret gant avalo de ze wen gievik a zo hendel un tom de ze gwin gwen a Kavet ve ive gis bro dreger a gwelo, gis bro razon, a gis kreis breiz e vel just. Tost amme zo nan ar a gis, nan Daniel Lemaitre, ba melkarez. Hag ur strolat zo bet krouet, gant e broduer yen gis, war pem departement de breiz, al ar ade man ive bro naun de bars. Hag ur strolat zo an ACB, Association Citricole Bretonne, Eura bruder az evit de gist hag zikour evo du erien. A gant an ACB avec red bepla, ve ozet bepla concours rand vroel evit ur gist, hag troel gret grand avalo, chug avalo, pomo hag lambig evel just. Wardach ne la bourdou a roas, pel zo ve klask de breiz ober trevad ou neve. Hervegel, moi komz eus re ra guin breiz, hein, broduer yon guin, hag o vegel moi be komz droaz deus re ra bir, hein, peut dire, om, vegret bir, o ne babla yo zo, ba, breiz ive. Met trawel zo roaz da skouer ba mel gwen tre kemper a kankerne, zo pla o ober safran. Ur blanten ze ve handve de vejo, un ower ru. Ur blanten ze zo hokus, pe ve la rin mod, rin zo lios war apeter eo hokus, hein, e latin ve laret crocus sativus. A deus e blenet de veten e den dareden, pez ve lar den galag ur pistil, hag lak e vet un dant ve se ve zer et ba diskaramz ur ba mis heri, hag oa ler ve zeret evit ur safran, hag e gran un dant ve se ve gwerzet ur gram ve gwerzet war dro tregont euro. Zo kir ru, hein, bon. War d'achen en trevad ou roaz ne vesso ba evran zez otos de dinan e be de zer de gran riz vid ar vech tiantan. On an zo un den a zo hessa de kultu riz ba vro hag riz zo be de produet war dou ar zer hein, ne ke bandour hein, ka vech o blas o vel ba, ba nazi vel a ket bandour un treit bandour. Mais on me vegret war un douar zir, vel vegret va bro Afrika. A ma treze no vech penek vos grave de riz deux euros. Dans mon temps, war da chenur se venadur. Kom se moi amman deus Hervé Sébil Kernandour, pe oa bed im ban de grand temps, geria dur vale. Ne vesso un denman neus gret ur lever, neus im ban de lever barzon egou. Or barzas, hein, handved keridval. Hag barzone gouze ve kavet kloten ou diabars, pez ve lar d'un galak rim interne. Gwej el goz, vije implije de kloten ou diabars, gant ne varzet bro gembre hag braiz. Tostor de som ame de kozik, ez zo bezavet ba purud ame, peu dur idud oa mestre skol, neus bet implijet kloten ou diabars evelze. Met ez oa belar ba brez el perzek. Bon, pi vid komz deus barzaz Hervé Sébil, im bant de gant un im bant adur yo el yam. O leverel zo bet im bant de nevesso, skrivet gant Bernard Rio, di war zen bro breiz, war zen breiz, o sort buer zen ma peswant, met skrivet en galak. Im ban de a lever gant im ban a dur yo West France. Tromeus bet komz dar deja de Jean-Michel Le Boulanger, ei président de Randvro Breiz, hag un deze ne skrivet deja di war ben identité les oeuvres tonnet, a nevesso ne skrivet d'un tom lever zo handvet manifest pour une France de la diversité. Mondra en de Jacobinet, bon, mon gouskoud et galout gant et pebler de ze Provence. Guiré, un dern vrasan de ze politikour, yon de Provence, de jo Jacobine, Jacobine Gwen, Jacobine Ru, Jacobine de ze Vosendu, a beb sort. A bende, eve plante jiwaz ar menoz yo ze bapen en dut, met peteram. Or skrivo an yorel, Jérôme Luca, un eus resse vene vesso ar prizan a vreiz, zo ro e gant in vanni skrivo an er yen breiz, Galag Association des écrivains de Bretagne. Un des, un scrive de Wardro, d'Oigen Lever, romanche ou, hein, avec Gomes de Zervu et War Hermès, un dro de Langa, Plougna. Nevesso, concours, grand aérien bar Redon, la Bogue d'Or, Végré de Zé, avec Maut de Zoët, grand or plar de Zevro, au plar Pembla ou à Perugen, Berthe Le Touzic. Payons nos comptes de stud de Zevro, ne sgrède Bob Sortro, Nevesso et Ed Nanang, Jean Stalaven. hagen denzen iwa krog de ilabur gant bout de charcuter ba boul vriag, a krouet gant ar stalaven ba zambriag. Hag bon, gwal an avet oa evel just ba vro jean stalaven, triver vla a perugen oa. Bon, set yon tamm de spesso neve ba vro, hag lar a randar kenavo, dar morgan de touden du delzo chilao. Keno eri. Ya, tien ar vegel.